La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand Georges Eugène Haussmann naît en 1809, on est en plein dans l'Empire et cela convient très bien à sa famille d'origine alsacienne et allemande qui constitue l'archétype de cette bourgeoisie nouvelle issue de la Révolution, éclose sous l'Empire, brimée sous la Restauration et qui rebondira sous la monarchie de Juillet pour s'épanouir avec Napoléon III. Telle sera également la carrière du préfet Haussmann, lancé jeune sur les chemins de la gloire, mais qui a dû patienter longtemps avant d'arriver au sommet, comme nous l'a raconté hier son biographe Georges Valence. Demain, nous nous arrêterons sur deux architectes importants du Second Empire, Charles Garnier, célèbre grâce à son opéra, et Gabriel Daviou, inventeur du théâtre du Châtelet. Enfin jeudi, nous regarderons Haussmann depuis notre époque en nous demandant ce qui reste moderne, voire même visionnaire dans ses préceptes urbanistiques. Ce sera avec l'architecte Umberto Napolitano. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter comment Haussmann a transformé Paris, nous sommes en compagnie de l'éditeur et écrivain Nicolas Chaudin, également historien quand il écrit sur le bagne d'enfants de Belle-Île dans le récit L'île des enfants perdus, paru il y a quelques mois chez Actes Sud, ou avec son livre sur Napoléon III, L'été en enfer, qui date de 2011, ou encore sur Haussmann, avec l'ouvrage Haussmann, Georges Eugène, préfet baron de la Seine, reparu en 2009 aux éditions Actes Sud, un livre qui est aujourd'hui disponible dans la collection de poche Babel. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres. Ce grand innocent de Paris, vois comme il est immense et comme il s'endort doucement. Ces bêtes, ces grandes villes, il ne se doute guère de l'armée de pioches qu'il attaquera un de ces beaux matins. Et certains hôtels de la rue d'Anjou ne reluiraient pas si fort sous le soleil couchant s'ils savaient qu'ils n'ont plus que 3 ou 4 ans à vivre. On a déjà commencé, continua-t-il. Mais ce n'est qu'une misère. Regarde, là-bas, du côté des Halles, on a coupé Paris en 4. Oui, la grande croisée de Paris, comme ils disent. Ils dégagent le Louvre et l'hôtel de ville. Jeu d'enfant que tout cela. C'est bon pour mettre le public en appétit. Quand le premier réseau sera fini, alors commencera la grande danse. Le second réseau trouvera la ville de toutes parts pour rattacher les faubourgs au premier réseau. Il y aura un troisième réseau, continua Saccard, au bout d'un silence, comme se parlant à lui-même. Celui-là est trop lointain. Je le vois moins. Je n'ai trouvé que peu d'indices. Mais ce sera la folie pure, le galop infernal des millions, Paris saoulé et assommé. Bonjour Nicolas Chaudin. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vient d'écouter un extrait de La Curée de Zola, vous l'aviez reconnu, lu par Pierre-Marie Baudouin. C'est un texte célèbre qui a pour toile de fond les grands travaux d'Haussmann. Et Zola y décrit exactement les trois réseaux qui seront au cœur du projet du baron. Exactement. Mais en fait, qui ne sont pas d'ailleurs d'emblée au cœur des projets d'Haussmann, parce que une commission avait été nommée en même temps qu'Haussmann était appelé à la préfecture en juin 1853. Napoléon III avait convoqué une commission des embellissements de la ville. D'ailleurs, le terme embellissement de la ville vous donne exactement le ton de la philosophie qui avait présidé à sa réunion. Elle était présidée par le comte Siméon, c'est pourquoi aujourd'hui on parle de la commission Siméon. Et en convoquant cette commission Siméon, Napoléon III avait donné un certain nombre d'instructions, qui tenaient sur 2 feuilles, mais enfin, qui étaient suffisantes pour bien encadrer les travaux de la ville. Et la dernière de ces préconisations donnait un ordre de priorité à l'accomplissement des travaux. Et on commençait par la croisée de Paris, hein, c'est-à-dire le cœur, l'île de la cité, le croisement des rues Saint-Jacques et Saint-Denis, Saint-Jacques et Saint-Denis, Saint-Martin, et de la rue de Rivoli, ce qui correspond à peu près à la croisée du Cardo et du Decumanus dans la Lutèce antique, pour s'achever par la greffe des arrondissements périphériques qui était le résultat de l'annexion des faubourgs, car comme vous le savez, en 1860, Paris a quasiment doublé de surface par l'annexion des faubourgs de Paris. Qui sont aujourd'hui les 19e, 20e, 13e, voilà, exactement, 14e arrondissements. Les arrondissements à deux chiffres, et donc des villages tels qu'Auteuil, Passy, Vaugirard, Grenelle, qui jusqu'en 1860 étaient en dehors de l'administration parisienne, mais en dedans des fortifications, des bastions de l'enceinte de Thiers, et qui ont été annexés et soumis donc à l'administration du préfet Haussmann. Et donc, si on regarde bien ces préconisations de Napoléon III à la commission Siméon, elles résument exactement l'échelonnement et le découpage des trois réseaux. Donc, le premier réseau, c'est l'aménagement de la croisée de Paris, c'est-à-dire, si vous voulez, le désengorgement, le décongestionnement du centre historique de la ville. C'est la grande croix nord-sud-est-ouest, d'ailleurs. Elle est toujours efficiente aujourd'hui, puisqu'on vient d'inaugurer des pistes cyclables qui reprennent exactement ce tracé. Est-ce que ça veut dire, Nicolas Chaudin, que finalement on vit toujours à l'haussmannienne dans Paris? Mais on vit plus qu'à l'haussmannienne du point de vue de la grande croisée de Paris. Je vous dirais qu'on vit à la romaine. La rue Saint-Jacques, c'est une voie romaine. Ah bah, il n'a rien inventé. Alors, voilà, non, non. Il a décongestionné. Le second réseau qu'il conçoit, ou en tous les cas que Napoléon III suggère à la commission Siméon et que Haussmann va formaliser et mettre en œuvre, est plutôt celui des grands boulevards qui relient les points névralgiques de la capitale par l'extérieur, si vous voulez, donc la conquête de l'Ouest avec le boulevard Malesherbes, la greffe du quartier de la Plaine Monceau au carrefour de l'Étoile, etc. Ça, c'est le second réseau. D'ailleurs, la place de l'Étoile, c'est le second réseau aussi. Il était très très fier du dessin de cette place de l'Étoile qui, en effet, est assez grandiose. Voilà, et qui est projeté avant lui, avant même le Second Empire. En fait, si on veut bien regarder l'ébauche de la place de l'Étoile, elle est déjà dans les dessins de Le Nôtre lorsqu'il lance des grandes allées cavalières à partir du jardin des Tuileries. Allées cavalières qui vont se croiser à la butte de l'Étoile, qui est une croix au sens de que lui donne la vénerie, hein, c'est-à-dire un chemin, une croisée des chemins qu'utilisent les équipages pour chasser. Du coup, c'est vrai qu'on est là, dans ce que vous dites, au cœur d'une question un petit peu récurrente au sujet d'Haussmann, qui est de savoir, est-ce que ce Paris qu'on appelle haussmannien ne vient pas de plus loin? Alors, des Romains, vous venez de le dire, mais aussi de Rambuteau, un autre préfet de la Seine qui a précédé Haussmann et qui a créé un certain nombre aussi de grandes avenues, cette commission Siméon, dont on aura sans doute l'occasion de reparler. Qu'est-ce qu'on doit à Haussmann, en fait? En fait, à Haussmann, on va devoir énormément de choses. On va devoir surtout l'accélération des travaux, leur organisation globale et une vision véritablement organique de la ville. C'est-à-dire que pour Haussmann, la ville n'est pas seulement une espèce d'instrument dont il s'agit d'améliorer les performances, c'est un véritable organisme, un organe vivant qu'il s'agit d'abreuver, qu'il s'agit de dégager de ses humeurs, qu'il s'agit d'aérer et de rendre athlétique d'une certaine manière. Et en cela, Haussmann conçoit vraiment Paris comme un tout, comme un organisme intrinsèque dont il s'agit de veiller à la santé et à la performance athlétique. Et donc, il parle de vasculariser, toujours. Il parle d'aérer, de faire respirer la ville. Et tout ça a un sens, c'est pas juste, ce ne sont pas des éléments de langage pour faire bonne figure devant les membres du corps législatif ou n'importe quel observateur récalcitrant, c'est qu'il le pense vraiment lui-même, au fond. C'est intéressant ce mot d'athlétique que vous utilisez, parce que il y a tout un vocabulaire autour de la force, de la vitesse, voire même de la démesure. mesure. On entendait dans le texte tout à l'heure de Zola, le personnage de Saccard, parler de folie pure, du galop infernal des millions, de Paris saoulé et assommé. Est-ce qu'on n'est pas là quand même dans une espèce de démesure sans aucun autre équivalent dans le monde ni dans l'histoire qui a fait que plus de la moitié de Paris finalement a été détruit et reconstruit? Est-ce qu'on n'est pas là finalement dans une espèce de performance incroyable? Alors, on est certainement dans une performance, dans la démesure, pour l'époque, certes. Mais ce chantier global, qui touche aussi bien le fond que le tréfond, est envisagé et espéré de longue date. Voltaire, déjà, espérait le bouleversement de la ville millénaire. Alors, Voltaire avait fait le portrait robot de l'homme qui pourrait enfin transformer Paris, et Haussmann s'était reconnu dans ce portrait robot. Oui, c'était reconnu dans ce portrait robot, mais enfin, il faut savoir aussi qu'Haussmann est très lié à Bordeaux. Il a beaucoup d'intérêt en Gironde, il a été préfet de Gironde, il a séjourné très longuement à Bordeaux. Et Bordeaux, qu'est-ce que c'est? Bordeaux, c'est ce qu'aurait pu être Paris si les règnes de Louis XV et de Louis XVI avaient fait face au développement démographique et urbain de Paris. Le siècle des Lumières aurait produit une ville, une capitale, Paris, semblable à Bordeaux, mais beaucoup plus grande. Et finalement, tout le monde est d'accord sur l'ampleur des travaux à mener. Il faut savoir qu'en 1845, 1850, des hygiénistes, des proudhoniens, des fourriéristes, mais sont complètement terrifiés par l'état de la population du centre de la ville, son état sanitaire. On parle de familles entassées dans des appartements de 5-6 mètres carrés, jusqu'à 25 personnes dormant sur des paillasses, partageant leurs miasmes, les mères éreintées, exsangues, continuant à donner le sein à des enfants promis à la mort. Et ça, ils l'ont tous décrit. Devant l'hôtel de ville, dans l'intervalle qui séparait l'ancienne place du Châtelet de l'espace irrégulier de la place de Grève, l'œil était affligé par d'horribles cloaques, nommées rue de la Tannerie, de la vieille Tannerie, de la Vannerie, de la vieille place aux Veaux, Saint-Jérôme, de la vieille Lanterne, de la Tuerie, des Teinturiers, etc., etc. Cette dernière était si peu large que la façade vermoulue d'une des maisons, en pan de bois ourdé de plâtre, qui la bordait, essaya vainement de s'abattre. Elle ne put que s'appuyer sur celle de la maison opposée. Néanmoins, il est de mode, chez quelques archéologues se posant comme des mieux informés, d'admirer de confiance ce vieux Paris qu'ils n'ont certainement connu que dans les livres spéciaux, dans les anciens recueils de dessins et gravures, et de gémir sur la façon cavalière dont l'a fourragé le baron Haussmann, qu'il tienne, comme ses œuvres, dans un dédain profond. Que les étroites et tortueuses rues du centre, surtout, fussent presque impénétrables à la circulation, sales, puantes, malsaines, ils n'en ont aucun souci. Que nos percements, nos prétendus embellissements aient doté vieux et nouveaux quartiers d'espace, d'air, de lumière, de verdure et de fleurs, en un mot, de ce qui dispense la salubrité tout en réjouissant les yeux, la belle affaire. Dans tous les cas, ce n'est pas la leur. Ça, c'était le bilan qu'Haussmann faisait lui-même de son œuvre dans ses mémoires. Il est très content. Au soir de sa vie, dans une lecture de Pierre-Marie Baudouin, toujours, qu'est-ce qu'on peut dire alors de ce qui conduit finalement Haussmann à devenir l'urbaniste de Paris? Vous avez commencé de raconter Bordeaux et l'inspiration que lui donne cette immense façade classique très belle, et aussi les fameuses allées tournies, encore un intendant qui ressemble à Haussmann dans la configuration qu'il a donnée à sa ville. D'où vient finalement que cet homme, ce préfet, celui qui a failli être notaire, va se retrouver à redessiner la capitale de la France? En fait, ça ne vient de nulle part. C'est-à-dire que Haussmann, dans sa carrière préfectorale, a fait quoi? Il a construit un aqueduc dans Lyon, un pont, un érac. Il a un canot d'assèchement. Voilà, il a fait quelques travaux d'assèchement à droite à gauche, mais c'est un personnage qui n'est pas un bâtisseur. Haussmann, c'est le prototype du technocrate, en fait, hein, du grand serviteur, du grand commis de l'État. Et d'ailleurs, s'il est appelé à Paris en juin 1853, ça n'est pas pour mener les travaux. C'est pour administrer la ville de sorte à ce qu'elle fournisse tous les outils administratifs nécessaires à l'accomplissement des travaux. En fait, il vient à Paris pour mettre Paris au pas. Ouais. Le conseil municipal en particulier. Le conseil municipal conservait quelques sympathies, soit républicaines, soit orléanistes. Toute la Seconde République est minée par la surreprésentation des orléanistes. Les Orléans ont été détrônés, mais la majorité du personnel politique reste très très très très, très orléaniste. Et donc Napoléon III a la bonne idée de prendre un préfet à poigne pour mettre de l'ordre dans l'administration parisienne. Mais au départ, Haussmann n'est pas invité à construire une ville. Ça, c'est le rêve de l'empereur. Et ce rêve, le rêve d'une belle ville très moderne, car Napoléon III n'a comme credo que la modernité, n'ayant pas la gloire des armes comme son oncle, eh bien, il l'a confié à la commission Siméon au départ. Et Haussmann, et c'est là toute sa force, et c'est là peut-être aussi son extraordinaire prescience, c'est que de son ambition dévorante, il va faire un véritable sacerdoce. Il va s'identifier à sa tâche, à la tâche qui lui est confiée. Il va même l'extrapoler. D'ailleurs, il l'incarne si bien qu'aujourd'hui, c'est le seul nom qui reste. Le comte Siméon est totalement inconnu. Mais bien sûr, bien sûr. Et donc, il se dit, en fait... Je veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais enfin, j'ai quand même suffisamment étudié le personnage pour vous dire qu'il a saisi cette occasion comme la chance de sa vie. Il est à Bordeaux, toute sa famille est établie là-bas, sa femme, ses intérêts économiques, etc. À la rigueur, il aurait pu rester en Gironde toute sa vie, tranquillement. Mais non, on lui donne cette chance, il a une confiance absolue en Napoléon III, qu'il a déjà approché, qu'il a déjà flatté comme il se doit, et donc... Il se dit, c'est la chance de ma vie. Donc, il va déjà commencer par évincer la commission Siméon. Il va faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire mettre au pas l'administration parisienne. Et comme il y aura une administration docile, mais qu'il n'y aura plus Siméon, il va prendre en main lui-même, à titre personnel, les travaux de la ville. Alors, il faut dire que Napoléon III avait déjà senti chez cet homme que... Peut-être c'était le grand fauve qui pourrait accomplir son grand dessein. Vous parlez beaucoup du personnage de Persigny dans votre livre Nicolas Chaudin, parce que c'est beaucoup aussi ce ministre qui a saisi à quel point on pouvait utiliser, Napoléon III pouvait se servir des caractéristiques spécifiques de la psychologie d'Haussmann pour finalement accomplir son grand dessein. Oui, Persigny est un compagnon de Napoléon III de longue date. Et vous savez ce que disait Napoléon III? Il disait « Il n'y a qu'un seul bonapartiste dans mon entourage, c'est Persigny, mais il est fou ». Et il est vrai que Persigny est un personnage très entier, très césariste, très bonapartiste. C'est un des premiers et d'un des plus forts partisans de l'Empire autoritaire, au point que dès que l'Empire s'ouvrira à un peu de libéralisme, Persigny disparaîtra de la scène. Mais Persigny reconnaît en Haussmann une espèce de double, un grognard intransigeant de l'Empire autoritaire. Ça, il l'a tout de suite compris. En plus de ça, Persigny a compris qu'Haussmann était une force de la nature, une force omnubilée par sa propre gloire d'abord, et puis par celle de l'Empire. Et donc, c'est un type sur lequel on va pouvoir compter à plus d'un titre. Sa loyauté, son inépuisable énergie... Et puis, cette manière extrêmement vorace dont il s'empare des affaires qu'on lui confie. Alors, on a déjà un petit peu parlé du portrait de Persigny hier, mais il faut relire quelques phrases de ce fameux portrait qu'il fait d'Haussmann. « Il m'exposait les hauts faits de sa carrière administrative, ne me faisant grâce de rien. Il aurait parlé 6 heures sans s'arrêter, pourvu que ce fût de son sujet favori, c'est-à-dire de lui-même. » Quant à moi, pendant que cette personnalité absorbante s'étalait devant moi avec une sorte de cynisme brutal, je ne pouvais contenir ma satisfaction. Je jouissais d'avance à l'idée de jeter cet animal de race féline à grande taille au milieu de la troupe de renards et de loups ameutés contre toutes les aspirations généreuses de l'Empire. Donc c'est un portrait qui est quand même très ambivalent parce que Persigny ne dit pas que Haussmann est quelqu'un de fin, par exemple. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on dit assez peu. On parle assez peu de la finesse d'Haussmann, il dit juste que c'est un lion et que donc ce lion va pouvoir démolir et reconstruire Paris. C'est exactement pourquoi je vous dis que Haussmann n'est pas du tout appelé pour le remodelage de Paris et de l'accession de Paris au statut de merveille impériale. Haussmann, c'est un combattant. Hein, c'est un coq que l'on jette dans une basse-cour. Il faut qu'il maîtrise les caquettements de cette cacophonie, si vous voulez. Mais il se trouve que le bonhomme a une capacité d'absorption d'informations qu'on ne soupçonne pas. C'est-à-dire que dès qu'il s'empare d'un dossier, en 48 heures, il en maîtrise tous les aspects et même les aspects les plus techniques, ce qui est en fait un interlocuteur redoutable, aussi bien pour les ingénieurs hydrauliciens que pour les ministres comptables des deniers de la couronne. Donc, c'est un personnage pas ambivalent, mais omnivalent, si vous voulez. Et c'est ça qui va progressivement l'émanciper de toutes les tutelles ministérielles, au départ dans lesquelles il se trouve enfermé, bien sûr. Mais alors est-ce que la forme actuelle de Paris, post-Haussmann, ne reflète pas justement cette personnalité-là, avec ses avenues rectilignes, avec ses perspectives qui ouvrent sur des monuments de manière un petit peu obsessionnelle? Lui-même reconnaissait qu'il était un petit peu obsessionnel sur cette idée de toujours mettre un monument en perspective. Est-ce que quand on se balade dans Paris, on ne se balade pas un peu dans le cerveau d'Haussmann? Alors, oui et non. D'abord, vous noterez une chose, c'est que le plan de Paris intramuros ressemble à s'y méprendre à la coupe longitudinale d'un cerveau. Hein, que supposé sur une paillasse. Oui et non, pour répondre à votre question. Oui, parce que effectivement, Napoléon III avait préconisé à la commission Siméon et par la suite à Haussmann, que les grandes avenues qu'on devait percer épousent autant de virages et d'inflexions que le nécessiterait aussi bien le relief que la présence de monuments insignes. Napoléon III était très attaché aux monuments. D'ailleurs, en cela, il s'accommode d'à peu près tous les sentiments de l'intelligentsia de l'époque. Hein. Et Haussmann, lui, va faire fi de cette préconisation et tirer droit. Mais d'un autre côté, tirer droit, ce n'est pas une affaire de psychologie, c'est une affaire d'intérêt. Haussmanniser une ville, c'est libérer les flux. Ceux de l'eau, de l'air, de la circulation des biens et des personnes. L'idée principale, quand on fait des grandes percées dans Paris, ça n'est pas une idée sécuritaire, c'est avant tout une idée extrêmement pratique, c'est-à-dire qu'on est à l'ère de la multiplication des liaisons ferroviaires, il ne faut pas l'oublier, c'est une grande nouveauté, hein. Et qu'il faut réunir les gares entre elles. Et que l'idée, c'est que quand on débarque du bateau à Calais et que par le train on arrive à la gare du Nord, il faut qu'on puisse prolonger son voyage à Lyon, jusqu'à Lyon, en traversant la ville sans encombre. Oui, mais ça n'implique pas de créer une avenue de droite, par exemple. Ben si, le plus droit possible pour aller le plus vite possible. Pour que les fiacres aillent à toute vitesse, pour que les omnibus se déplacent à toute vitesse, sans encombre. Et donc, ça c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est qu'il faut désenclaver des zones névralgiques très très congestionnées, les halles notamment. Il faut imaginer que chaque jour, des dizaines de milliers de chariots, de voitures à bras, de charrois traversaient Paris du nord, du sud, de l'est comme de l'ouest pour apporter les victuailles nécessaires aux halles centrales. Et bien plutôt que d'envoyer emprunter des voies sinueuses, ces lourds charrois étaient forcément plus commodément acheminés à travers des voies rectilignes et larges. Dites donc, s'il y a longtemps que vous êtes absent de Paris, lui dit Madame François, vous ne connaissez peut-être pas les nouvelles halles. Voici 5 ans ou plus que c'est bâti. Là, tenez, le pavillon qui est à côté de nous, c'est le pavillon aux fruits et aux fleurs. Plus loin, la marée, la volaille, et derrière, les gros légumes, le beurre, le fromage. Il y a 6 pavillons de ce côté-là. Puis de l'autre côté, en face, il y en a encore 4. La viande, la triperie, la vallée. C'est très grand, mais il y fait rudement froid l'hiver. On dit qu'on bâtira encore 2 pavillons en démolissant les maisons autour de la halle au blé. Est-ce que vous connaissiez tout ça ? Non, répondit Florent. J'étais à l'étranger. Il entendait le long roulement qui partait des halles. Paris mâchait les bouchées à ses 2 millions d'habitants. C'était comme un grand organe central battant furieusement, jetant le sang de la vie dans toutes les veines. Bruit de mâchoire colossale, vacarme fait du tapage de l'approvisionnement, depuis le coup de fouet des gros revendeurs partant pour les marchés de quartier jusqu'aux savates traînantes des pauvres femmes qui vont de porte en porte offrir des salades dans des paniers. Donc compagnie des œuvres sur France Culture avec cet extrait du Ventre de Paris de Zola, lu par Guillaume Gallienne. Alors parlons peut-être un petit peu des Halles, Nicolas Chaudin. Ça, c'est un projet absolument titanesque que Haussmann va entreprendre avec Baltard, parce qu'il faut parler de Baltard aussi. Il y a un certain nombre d'architectes comme ça qu'on voit passer quand même dans la vie d'Haussmann. Alors, les Halles, d'abord, ce ne sont ni Baltard ni Haussmann qui l'entreprennent. Hein. Le projet est déjà, comment dirais-je, dans les cartons, à la chute de Louis-Philippe. Hein. Il date de 1846-1847. En 53, les travaux ont commencé, le dégagement surtout de l'ancien marché, hein, qui est médiéval. Hein. Ça fait depuis Louis VI le Gros, le marché se tient là où étaient les Halles. En tout où cas. Sont toujours les Halles. Où sont toujours les Halles, on va dire. Ça s'appelle toujours les Halles, en voilà. Tout cas. Et donc, Haussmann, lui, quand il arrive en affaires au 53, Baltard, qui est un architecte assez obscur, fils d'un architecte qui a une belle carrière derrière lui, Baltard a construit un premier pavillon très massif, en pierre de taille. Certes, il est sommé d'une verrière, couvert d'une verrière, si vous voulez, pour un éclairage zénital, largement aéré par des baies, etc., etc. Mais enfin, ça reste néanmoins un bastion en pierre de taille. On l'appelle le bunker, non? On l'appelle le fort des Halles. Le fort des Halles. Pour faire allusion au porteur, au portefeuille des Halles, vous savez. Bon. Donc, Napoléon III voit ça, dit, mais c'est ridicule, ce sont des parapluies qu'il me faut, il faut des structures beaucoup plus légères. Et là où Haussmann est assez génial et plein d'intuition vis-à-vis des hommes, c'est plutôt que de renvoyer Baltard et puis d'en prendre un autre, il va dire à Baltard, c'est vous qui allez faire ce que l'empereur a désigné, a choisi, c'est vous, mais vous me revaudrez ça, n'est-ce pas? Et effectivement, Baltard va repenser complètement son projet, faire les fameux pavillons qui ne sont que verts, fonte et fer, magnifique pavillon qu'on a malheureusement détruit en 69, et enfin à partir de 69, et Baltard livre là l'un des plus beaux monuments du 19e siècle, monument sacrifié, mais qui était d'une modernité tout à fait extravagante et qui surtout donnait aux Halles de Paris à la fois un nouveau gigantisme, car c'était la première fois que le marché central de Paris, le ventre de Paris, était entièrement couvert, mais en plus de ça, donnait une impression de gigantisme et une impression de modernité. Alors justement, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est la modernité qui caractérise la vision de Napoléon III et la vision d'Haussmann. L'acier, c'est la modernité, le verre, c'est la modernité. Est-ce que du coup, on peut commencer à aborder cette question, on n'a pas perdu avec la modernité ce qui faisait le charme de la sédimentation de l'ancien Paris? Alors, certes, on a perdu ce que les années 80 du XXe siècle vont appeler le patrimoine d'accompagnement, c'est-à-dire les ensembles urbains, les petites rues tortueuses bordées de maisons à pans de bois qui aujourd'hui frappent notre soif de pittoresque. C'est en fait le Marais, on peut se promener dans le Marais pour avoir une idée de ce qu'était Paris. Par exemple, le Marais, mais le Marais... Le Marais, ça ne ressemble pas au quartier qu'on a démoli. Le Marais, ce sont des hôtels particuliers, en pierre de taille, avec leurs jardins, leurs cours, etc. Quand on tape dans le quartier des Arcis ou le quartier des Halles, ce sont des maisons à pans de bois très étroites, de 6 ou 7 étages, où on ne peut pas monter de l'eau, parce que les escaliers sont trop étroits pour le faire. Et à l'époque, mais tout le monde s'en fiche. Sauf quelques intellectuels, sauf quelques bohèmes dont la voix porte, parce qu'à l'époque, être écrivain, c'est avoir d'abord une tribune. Mais la plupart des gens s'en fichent, et je rappelle juste deux choses, c'est qu'en 1832, le choléra a emporté 20 000 personnes dans le centre de Paris, et qu'en 1849, 4 ans avant l'arrivée d'Haussmann, le choléra va en emporter 16 000 autres. Et qui sont les victimes du choléra? Eh bien les gens qui habitent dans ces quartiers qu'on va désengorger. Donc, certes, nous, a posteriori, si nous osons juger l'époque selon nos critères, on va trouver des choses merveilleuses qui ont été démolies, mais je vais vous dire que le demi-siècle qui s'est écoulé de 1870 à 1920 a laissé beaucoup plus de sacrifiés que les 17 années de la préfecture haussmannienne. Et même le programme haussmannien n'a pas fait plus de victimes que la modernité des années 60, si mais vous alors... voulez. Que s'est-il passé pour les gens qui vivaient finalement dans ces taudis? Ils ont été du coup expropriés, alors s'ils n'étaient pas propriétaires, s'ils étaient locataires, où sont-ils allés? Ça, c'est le gros hic de l'administration haussmannienne, et que ses successeurs auront à cœur de corriger. Effectivement, Haussmann n'est pas susceptible de compassion pour les gens du peuple, c'est le moins qu'on puisse dire. Et même s'il a le sentiment qu'en reconstruisant Paris, il produit une ville plus confortable que celle qu'elle remplace, il la destine à tout le mieux à la petite bourgeoisie, celle des artisans, des boutiquiers, des petits chefs d'entreprise. Et il se moque un peu des ouvriers qui sont rejetés dans la périphérie. Dans la périphérie parce que tout simplement ça échappe à l'administration parisienne, tout est moins cher, et les denrées et les loyers. Mais ça oblige les ouvriers à parcourir des distances considérables pour se rendre sur leur lieu de travail, et surtout ça contribue à créer des véritables ghettos sociaux. Donc il y a une forme d'apartheid social, d'ailleurs lui-même ne s'en cachait pas, comme on l'entend dans cette lettre à Persigny du 22 juin 1857. On vient de voir ce que l'on a gagné dans les faubourgs et les quartiers du centre par cette manière de mener des gens qui ne respectent que ce qu'ils craignent. Depuis 5 ans, on a perdu 4000 voix dans le faubourg Saint-Antoine. Qu'on ne dise pas qu'on a mécontenté ce quartier-là par les démolitions. On n'y a pas abattu une seule maison. Il y a eu 1200 constructions nouvelles. Puis on lui a donné l'hôpital Sainte-Eugénie, l'Institut de l'Impératrice, les maisons bâties et revendues à perte par l'empereur, le pain à bon marché, les soupes et les rations économiques. On y a loué, sur deniers impériaux, des maisons qu'on a sous-louées à prix réduit. Rien n'a fait, au contraire, tout cela a été pris pour des marques de faiblesse et de peur. Il faudrait que tout le monde m'aidât, au lieu de s'entendre pour m'entraver dans l'ouverture de ces grandes artères stratégiques, allant du centre à la circonférence de Paris, qui refouleront peu à peu les ouvriers à l'extérieur pour les y disséminer et qui serviront aussi à les y suivre pour les contenir au besoin. Paris, ville de luxe, centre de mouvements financiers et cité commerciale, aussi bien que centre de mouvements des idées et cité des arts, se comprend à merveille. Mais c'est une barbarie que de vouloir en faire un atelier, une collection de grandes cheminées à fumée noire. Et c'est le comble de la déraison en politique que d'y entasser, comme pour y former à plaisir un centre insurrectionnel, des masses grossières et stupides d'ouvriers à marteau, qui se lèvent au mauvais jour pour courir sus à tous les gouvernements et les abattre avant que la France, surprise, n'ait eu le temps de s'y opposer. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Que retenez-vous, Nicolas Chaudin, de cette lettre assez terrible quand même? Alors cette lettre d'abord est adressée à Persigny qui est à l'époque ministre de l'Intérieur au lendemain des élections de 1857 qui sont sinon un premier échec pour le Second Empire, en tous les cas l'apparition d'une opposition. Il y a 5 députés qui ne prêtent pas serment de fidélité à l'empereur et qui vont mener une lutte très fructueuse, hein, puisque les prochaines, en 63, vont voir là, pour le coup, un gros contingent d'opposants au régime. Il faut juste rappeler qui est Haussmann par rapport à Persigny. Haussmann est un préfet certes de gros poids, mais il parle quand même à son ministre. Son ministre qui est le plus intransigeant des bonapartistes césaristes, c'est-à-dire des bonapartistes durs. Haussmann, lui, ne cesse de réclamer des moyens. Et ce que veut surtout Haussmann, il en nourrit déjà le projet, c'est annexer les banlieues, et il sait que Napoléon III est d'accord, et il veut secrètement devenir ministre de Paris, ce qu'il proposera ouvertement 18 mois plus tard. Oui. On lui refusera d'ailleurs. On lui refusera. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, en fait, cette lettre, si elle découvre un fond très autoritariste chez Haussmann, mais ça, on l'avait compris auparavant, elle recèle beaucoup de séduction, de comment vous expliquez ça, enfin c'est une lettre de rampant, c'est une lettre de préfet qui essaye d'obtenir de son ministre le plus de donc moyens il va possible. Dans le sens, il va dans le sens, il caresse Persigny dans le sens que du poids. Persigny qui vient de se faire remonter les bretelles parce qu'il a laissé entrer 5 opposants au corps législatif. Et donc, cette lettre est un peu une lettre mielleuse, un peu foireuse. C'est là qu'Haussmann est plus laid, c'est qu'il est capable d'écrire 20 lettres dans une nuit pour obtenir une faveur, pour donner un avis, mais un avis qui va évidemment dans le sens de celui à qui il s'adresse. Enfin, c'est toujours très très courtisant. Oui, parce que quand il était sous-préfet et préfet en région, lui a quand même eu, pour l'éducation, on l'a entendu dans l'émission d'hier, une vraie volonté de répandre justement l'instruction. Mais tout à fait. Et en plus de ça, bon, tout à l'heure, je vous disais qu'il manquait singulièrement de compassion pour les gens des classes ouvrières, hein, ce que Honoré Frégier avait appelé les classes dangereuses dès 1851. Mais il a quand même créé un organisme de régulation du prix du pain, hein, la boulangerie de Paris, de manière à ce que chacun puisse avoir au moins son kilo de pain quotidien. Créé des hôpitaux, il a quand même songé à une distribution assez équitable des services de la ville, aussi bien les omnibus que l'adduction de l'eau, que la lumière aussi, parce la que lumière, c'est lui qui éclaire le gaz, Paris, etc. Et quand il demande à Alphand et à Daviou, l'architecte Daviou, de concevoir le mobilier urbain, il fait en sorte que les quartiers des plus défavorisés en soient aussi pourvus, qu'il s'agisse aussi bien de parcs que de bancs, que d'arrêts d'omnibus. Il appelle ça la justice distributive. Donc il a quand même, puisqu'il a une conception globale de la ville, il ne peut pas ignorer qu'une ville n'est pas qu'un rassemblement mondain d'aristocrates, qu'il faut qu'il y ait des pourvoyeurs, il faut qu'il y ait des jardiniers, qu'il y ait des ouvriers pour fabriquer cette ville. Exactement. Quand même. Exactement. Et donc ça, Haussmann le sait. Mais quand il s'adresse à Persigny, il dit oui, enfin tous ces ouvriers qu'on a rassemblés, qui vont créer des révolutions, etc., etc. Mais en fait, c'est lui qui les a fait venir. Et d'ailleurs, la plupart des députés conservateurs lui reprochent cette concentration d'ouvriers. C'est à Haussmann qu'on reproche d'avoir fait venir tant d'ouvriers de toute la France, de les avoir concentrés à Paris pour construire une ville extravagante. Enfin, à Paris ou dans sa proche banlieue, parce que c'est quand même là qu'ils habitent. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà. Et donc, il se sert de l'argument qu'on lui assène pour l'assommer afin de mieux séduire son ministre de tutelle. C'est quand même vous dire le tour d'esprit de ce type extrêmement intelligent et madré, en fait. Voilà, c'est un type. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression tout de même qu'il a voulu faire de Paris une ville du luxe, qu'elle est aujourd'hui, au détriment quand même d'un certain, enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui la mixité sociale? Voilà, oui. C'est-à-dire que nous parlons avec nos propres termes, qui aujourd'hui ont 170 ans, donc... Alors la mixité sociale, le problème ne se pose pas. Il faut savoir qu'en 75 ans, Paris s'est révolté une dizaine de fois, a jeté à bas deux trônes, l'insurrection parisienne est un danger permanent pour quiconque gouverne la ville. Je rappelle au passage que la Seconde République, hein, est en 1853 le régime qui a été le plus dur avec le peuple, les ouvriers. Les émeutes de juin 1848 ont fait 5000 morts dans les faubourgs. Ça, c'est la République qui a tiré sur le peuple, au tel point que le pauvre vieux Louis-Philippe dit « La République a de la chance, elle, au moins, elle peut tirer sur le peuple ». Bon, formidable. Mais donc, c'est quand même une obsession. Hein, c'est une obsession à cette époque. Donc, la mixité sociale n'est pas véritablement un problème qu'on se pose. Et il faut savoir qu'Haussmann reconstruit la capitale d'un empire qui aspire à une hégémonie continentale, sinon mondiale. Parce qu'en plus, Napoléon III nourrit des projets planétaires. Le Mexique, l'Algérie, la Roumanie. Enfin, il va chercher quand même très très loin ses inspirations. Il veut faire la capitale du monde, tout simplement. Exactement. Et Paris, et là, c'est beaucoup plus raisonnable, ils veulent faire, et l'un et l'autre, de Paris, l'exemple de ce que doit être la métropole moderne. Donc, évidemment, c'est une ville impériale, c'est pas la capitale d'un État socialiste populaire, c'est la capitale d'un empire. Et ça se retrouve stylistiquement dans les choix des bâtiments, par exemple. Exactement, on monumentalise les espaces principaux, les grands axes, l'avenue de l'Opéra. L'avenue de l'Opéra, si vous voulez, autrefois on ordonnançait les places royales. Qu'est-ce que ça veut dire ordonnancer? C'est-à-dire qu'autour de l'effigie du monarque, on construisait une place dont chaque immeuble ressemblait à son voisin, et on crée une espèce d'écrin. Comme la place des Victoires à Paris, par exemple. La place Vendôme, parfait exemple de place royale. Eh bien, Haussmann, lui, va ordonnancer les avenues royales. Et l'avenue de l'Opéra est une avenue qui nous paraît tous aujourd'hui magnifique, parce qu'elle est conçue comme une avenue impériale, qui joint le Louvre à l'Opéra impérial. Et donc, les immeubles sont tous, les façades des immeubles, en tous les cas, sont ordonnancées. Elles répondent aux mêmes ornements, à la même structure monumentale. Et ça, c'est le masque impérial de Paris. Alors, c'est aussi intéressant de retrouver, stylistiquement encore une fois, dans la rectitude, même si vous nous avez expliqué que la rectitude des avenues, c'était pas simplement pour faire grandiose, mais quand même à mon avis un petit peu pour ça, on retrouve en fait l'autoritarisme tout simplement du pouvoir qu'il a voulu, une tradition aussi française sans doute qui remonte à le nôtre. Est-ce que, selon vous, une telle transformation d'une capitale aurait pu être possible en démocratie, ou est-ce que c'est parce que justement on est dans un régime autoritaire qu'on peut changer à ce point la ville? Alors, Giraudoux, dans Les Pleins Pouvoirs, avait répondu à la question en vous disant qu'il n'y avait pas d'urbanisme possible sans régime autoritaire. Bon, on peut laisser à Giraudoux ses propos, bien qu'il soit toujours un grand écrivain, mais on peut, dans une démocratie, produire des villes modernes. Seulement, il faut savoir s'affranchir d'une stratigraphie complexe. En fait, sous Haussmann, c'est formidable, l'administration de la ville a à sa tête un préfet qui ne dépend que d'une personne, l'empereur. Donc évidemment, les décisions se prennent très très vite. Et on est loin, par exemple, des détours, des sinuosités des du Grand Paris. Oui. Voilà. Alors, ça a facilité les choses. Mais ce qu'il faut absolument se rappeler, c'est que l'époque appelait ça. L'époque voulait voulait sortir du cloaque. Il y avait un exemple, il y avait deux exemples en Europe. Il y avait Londres. Londres qui avait été quasiment détruite par un grand incendie au XVIIe siècle, qu'on avait reconstruite par îlot, tous tournés autour de parcs. Et cette ville avait beau être incommode, très injuste, hein, pleine d'iniquité. Aujourd'hui encore, quand vous croyez acheter une maison à Londres, vous ne l'achetez pas. Vous achetez une concession à un grand propriétaire foncier. La reine, en l'occurrence. La reine ou les grandes familles. Et donc, il y avait Londres, et puis il y avait Berlin, qui était en train, depuis la fin du 18e, de prendre une place assez importante dans l'imaginaire urbain. Hein, c'était justement qui était construite avec des grandes avenues rectilignes, très larges, etc., avec un zonage des activités. Hein. Et ça faisait réfléchir un peu tout le monde. Paris, c'est une ville bimillénaire, un roncier, où se superpose roncier sur roncier, enfin bref. Et puis, c'est une ville dangereuse, puisque c'est une ville qui s'insurge tout le temps, c'est une ville qui fait frémir les affaires, qui met en danger les affaires. Or, on est à l'époque de la conquête industrielle, du capitalisme industriel. Enfin bref, Paris est tout ce dont l'époque ne veut plus. Et donc, il faut absolument moderniser cette ville. Et tout le monde appelle de ses voeux cette modernisation, y compris ceux d'ailleurs qu'on va mettre dehors au départ. Alors avec Haussmann, on a l'impression qu'on a là un exemple de la plus belle technocratie à la française, aujourd'hui particulièrement remise en cause, puisque l'ENA n'a plus tellement la cote. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans le style finalement entrepreneurial, mais aussi très directif et avec une échelle de décision très rapide, comme on aime bien dans notre pays, quelque chose de très français selon vous, Nicolas Chaudin? Je pense que de toute manière, dans l'attitude des preneurs de décision du Second Empire, il y a une attitude héritée de Louis XIV. Les grands acteurs du règne sont tous très proches de l'empereur. Et donc c'est un régime vraiment exécutif. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous parliez de l'ENA et des grands... Enfin, voilà, des grands administrateurs de l'administration centraux, si vous voulez. Avant de dénigrer l'ENA, les écoles d'administration centrale, avant de dénigrer notre système préfectoral, je parle de notre époque, hein, pas de vous, hein, bien sûr, mais de notre époque, on a loué cette organisation administrative. Et on a même dit, du reste, que à l'époque où les gouvernements valsaient, les ministres passaient, et l'administration restait, demeurait. Et que dans bien des époques de crise, c'est la solidité de cette administration qui a permis les efforts de longue haleine. Et je terminerai juste en vous disant que ce qu'il y a d'exemplaire dans l'histoire d'Haussmann, c'est que pour des raisons politiques, il est évincé du pouvoir en janvier 70, puis l'Empire s'effondre 9 mois plus tard. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça continue. On va continuer exactement les travaux d'Haussmann, selon le plan mise en œuvre dès le début de la magistrature haussmannienne. Et qui va le faire? Les principaux collaborateurs d'Haussmann. C'est Adolphe Alphand, le principal collaborateur d'Haussmann, qui de 1871 à 1891 va mener les travaux de la ville. Avec qui? Avec l'architecte Daviou, dont vous parlerez demain avec mon ami Jean-Michel Legnaud. Avec Belgrand, l'auteur du réseau des égouts de Paris. Tous ces types-là restent en place alors qu'on a épuré l'administration de la Nouvelle République. Mais qui reste en place? Tous les types qui bossait avec Haussmann à la préfecture de Paris pour mener à bien les travaux qu'avait envisagé le Second Empire. Du côté du jardin, la façade était autrement somptueuse. L'autel disparaissait sous les sculptures. Autour des fenêtres, le long des corniches, couraient des enroulements de rameaux et de fleurs. Il y avait des balcons, pareils à des corbeilles de verdure, que soutenaient de grandes femmes nues, les hanches tordues, les pointes des seins en avant. Puis, ça et là, étaient collés des écussons de fantaisie, des grappes, des roses, toutes les efflorescences possibles de la pierre et du marbre. À la voire du parc, au-dessus de ce gazon propre, de ces arbustes dont les feuillages vernis luisaient, cette grande bâtisse, neuve encore et toute blafarde, avait la face blême, l'importance riche et sotte d'une parvenue, avec son lourd chapeau d'ardoise, ses rampes dorées, son ruissellement de sculptures. C'était une réduction du nouveau Louvre, un des échantillons les plus caractéristiques du style Napoléon III, ce bâtard opulent de tous les styles. Avec un nouvel extrait de La Curée d'Émile Zola, lu par Élodie Huber, qui vous fait rire d'ailleurs, Nicolas Chaudin, pourquoi? D'abord, ça me fait rire pour deux raisons. Ça me fait rire d'abord parce que finalement, Zola ne se montrera pas si cruel avec Napoléon III dans la débâcle. Il y a des passages qui sont même assez émouvants où il parle du vieil homme agité de songes généreux et romantiques. Et puis la deuxième chose, c'est que voilà. Évidemment, Zola regarde la ville qui sort sous ses yeux, une ville toute neuve, une ville qui correspond au goût bourgeois, alors que jusqu'alors les critères étaient plutôt liés à l'aristocratie. Mais nous, aujourd'hui, quand on regarde Paris, est-ce que Paris vous semble une ville odieusement parvenue, etc.? Non, mais bourgeoise quand même. Certes, bourgeoise, mais bourgeoise, c'est pas non plus... Une bourgeoise n'est pas forcément une femme accablée de tous les vices. Et justement, Paris est une ville délicieusement bourgeoise. Oui, je dirais que c'est une ville même grand bourgeoise. Parfois, on reproche à la bourgeoisie, certains reprochent à la bourgeoisie une certaine forme d'ennui. Et on peut se promener parfois autour du parc Monceau, dans ces grandes avenues qui ont toutes la même couleur de pierre, les mêmes gabarits, les mêmes effets de masse, la même monumentalité, on peut éventuellement s'ennuyer. Non, mais la grande bourgeoise est par nature guindée, certes. Elle n'en cultive pas moins un certain nombre de charmes discrets. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et moi, je trouve que quand on est sur une avenue haussmannienne après la pluie et que la chaussée bombée vous montre son ventre de lézard dont chaque pavé serait une écaille, eh bien cette ville-là, d'abord, ne manque pas de grandeur et elle ne manque pas d'une certaine mélancolie. Donc moi, je suis sensible à la mélancolie des grandes avenues. Et il y a une couleur aussi, c'est vrai. Il y a une couleur, il y a cette minéralité qui, sous un soleil de printemps, prend une lumière absolument incroyable. Et voilà, on peut les arbres aussi... Est-ce que c'est Haussmann, ça aussi? Alors, les alignements? Oui, les arbres d'alignement, c'était même une manie du baron Haussmann, à tel point que Charles Garnier lui-même, enfin je ne veux pas déflorer le propos de l'émission de demain, mais enfin, Garnier s'est insurgé contre Haussmann qui voulait planter des arbres le long de l'avenue de l'Opéra, et Garnier disait, mais non, c'est une hérésie, on ne verra plus mon monument. Donc, ces arbres qui manquent peut-être finalement à l'avenue de l'Opéra. Eh bien, je ne suis pas sûr, parce que c'est bien de verdir la ville, je sais que c'est très à la mode, mais il ne faut pas verdir n'importe quoi. Par exemple, le square de la place des Vosges est une hérésie. Les arbres, les bouquets d'arbres de la place des Vosges sont une hérésie. Il aurait fallu un square, une sorte de tapis vert. Au départ, c'était un tapis de sable, hein, d'ailleurs. Un tapis vert pour qu'on puisse voir toutes ces façades ordonnancées qui forment un ensemble exceptionnel. Donc, il faut pas mettre du vert partout. Non. L'avenue de l'Opéra est absolument, absolument spectaculaire et monumentale telle qu'elle est. Mais il est vrai que verdir la ville Haussmann y avait pensé, d'une manière extrêmement systématique et extrêmement généreuse, quoique, on pourrait en parler pendant des heures. Haussmann aurait peut-être eu l'idée, je ne sais pas, de repousser par exemple la gare du Nord et la gare de l'Est aux confins de la ville pour faire un grand Central Park. Alors à l'époque, certainement pas. Mais aujourd'hui, la question n'est pas complètement idiote. Bon, elle est posée à des fins peut-être un peu moins louables. Mais la question, en tout cas, elle mérite d'être posée. Ces gares sont posées là où elles sont, parce qu'elles ont été conçues au début du 19e siècle. Je vous rappelle que quand on a construit la gare de l'Est, 10 ans auparavant tout juste, on se demandait si on n'allait pas faire de l'église de la Madeleine un débarcadère ferroviaire. Donc vous voyez où on en était de la réflexion. On est aux confins aussi de Paris, c'est-à-dire voilà. Que là les gares sont très à l'intérieur de la ville. Mais c'est pour vous dire qu'on est à une époque où on se cherche, où on comprend. Et donc aujourd'hui, en 2020, on peut se poser la question de savoir si avec le réseau métropolitain dont on dispose, il n'est pas opportun de repousser les gares. Mais on parlera surtout jeudi du rapport avec aujourd'hui. Je voudrais qu'on termine sur la chlorophylle justement parce qu'il y a quand même des parcs qui sont des parcs imaginés, commandés par Haussmann, donc Monceau, les Buttes Chaumont aussi et puis Montsouris. Alors qui sont des parcs qui ont quelque chose de d'une inspiration gréco-romaine. Il y a le temple de la Sibylle par exemple qui se trouve aux Buttes Chaumont. Comment est-ce que vous voulez caractériseriez ces poumons verts d'Haussmann? Bon, alors d'abord, tous les poumons verts d'Haussmann ne sont pas des créations ex nihilo. Hein. Vous parliez du parc Monceau. Le parc Monceau n'est que le pâle fantôme de la Folie d'Orléans qui lui préexistait. En fait, Haussmann, là, a réduit des deux tiers un immense parc. Oui, mais les Buttes Chaumont, bon, il n'y avait rien. Mais les Buttes Chaumont et le parc Montsouris sont des créations haussmanniennes. Ouais. Alors, elles répondent d'abord au goût pour les jardins anglais de l'époque. Il y a une espèce de dimension prophylactique, si je puis dire, dans les parcs haussmanniens et la justice distributive qui régit l'emplacement des squares. On considère à l'époque, et Napoléon III le premier, que la proximité d'une oasis de nature peut contribuer à apaiser les âmes, à délasser l'ouvrier accablé par le labeur, et aussi à resserrer les familles. On y emmène les enfants et on les regarde jouer ensemble. Enfin, c'est une vision un peu idéal et un peu idyllique de la vie ouvrière au 19e siècle, mais il y a cette dimension-là. Donc on cherche aussi à créer des espaces harmonieux qui apaisent le regard, plein de pittoresques, parce qu'on veut absolument y attirer le monde. C'est pas seulement de la verdure qui est posée comme ça, il faut qu'on y aille. Donc il faut qu'il y ait des attractions, il y a des kiosques, des kiosques à musique, des kiosques à jouets, des kiosques à barbe à papa, enfin je sais pas ce qu'on sert à l'époque d'ailleurs, mais enfin bon, etc. Il y a des petits zoos, des petites ménageries, mais des petites ménageries domestiques avec des chèvres et des moutons, mais tout ça pour qu'on attire les enfants, pour qu'on les emmène se détendre et que les parents avec se délassent et surtout se distraient de leurs idées nihilistes, voyez-vous. On y pense, bien sûr, on y pense. Et c'est pourquoi Haussmann édicte qu'il faut un espace vert à moins d'une demi-heure de marche du domicile de chaque Parisien. Mmh. C'est presque la ville du quart d'heure dont on entend aussi parler dans cette campagne électorale pour Paris. Finalement, vous terminez votre livre, Nicolas Chaudin, en expliquant, et ça résume assez bien les choses, que Haussmann incarne la bourgeoisie libérale et la technocratie, le triomphe du progrès contre la pérennité, le triomphe de la science contre la conscience. Oui, parce que Haussmann, bon, on écrit des livres, alors forcément, on cède aux bons mots, hein, souvent. Mais pourquoi je disais ça? Parce que, en fait, Haussmann est le premier à imposer dans l'espace urbain de l'Empire, de la France, d'une manière générale, et une bonne partie de l'Europe occidentale, une esthétique nouvelle, un mode de fonctionnement de la ville nouveau, très bourgeois, héritier direct des bouleversements industriels et financier. Lui qui s'intéressait beaucoup justement à l'industrie, à la technique, à la finance, ouais, à la technique. Voilà. Et par opposition au modèle aristocratique, modèle royal, qui théâtralisait un certain nombre d'espaces dans la ville à la seule gloire du monarque. Ici, c'est la science contre la conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qu'on honore, ce n'est pas un trône millénaire qu'on honore, c'est la technique que l'on fait que l'on met à la portée de chacun, dont on met les bénéfices à la portée des plus humbles, enfin, dans le principe, hein, dans le vœu initial. Et on est toujours là-dedans. Ah ben, on est toujours là-dedans, mais enfin, on est les héritiers de l'Europe bourgeoise. Pour l'instant, on n'a pas réussi à substituer un modèle viable à l'Europe bourgeoise. Alors, on arrive peut-être à la... je dirais, à la fin du processus, puisqu'il n'y a plus de légitimité culturelle et que peut-être que les excès du capitalisme rendent le contexte intolérable. Mais enfin, on est les héritiers directs du capitalisme industriel du 19e siècle. Hein, écoutez, merci, on va terminer là-dessus, Nicolas Chaudin. On peut aller plus loin, évidemment, en lisant votre livre, Haussmann, Georges Gène, préfet baron de la semaine, de la semaine aussi, allez, du mois et de l'année, disponible chez Babel, c'est la collection de poche de l'éditeur Actes Sud. Tout de suite, la chronique. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Nous avons le plaisir de vous retrouver, Georges Marcabib de la librairie L'Atelier à Paris dans le 20e, librairie membre du réseau Librest. Bonjour Georges Marc. Et bonjour Mathieu. On est à la fin du mois de janvier, vous voulez absolument nous souhaiter une bonne année. Ben, j'ai pas eu le choix avant, hein, puisque j'étais pas là avant, donc oui, je vais profiter de ce moment pour souhaiter à tous, à vous, à l'équipe formidable et aux auditeurs, de la compagnie quand même. Des œuvres. Aux auditeurs, évidemment, à tous, une excellente et magnifique belle année, hein, puisque vous savez qu'on démarre l'année du rat aussi en même temps, depuis le 21 janvier. Et l'année du rat, c'est aussi un nouveau cycle dans l'astrologie chinoise. Donc, on est vraiment là, au début de quelque chose. Donc, je tenais à le partager avec vous, ce début de quelque chose. Merci. Et notamment dans ma chronique. Et donc, cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler d'un livre. Un livre qui va nous rendre heureux, un livre qui va nous rendre pétillant, hein, comme Monsieur Chaudin a pu nous parler de Paris de manière pétillante, comme ça. Moi, j'ai envie aussi de partager une lecture pétillante. Donc pour ce faire, j'aurais pu vous parler du dernier livre de Jean Echenoz, Vie de Gérard Fulmar, édité chez Minuit, qui est un livre fantastique dans lequel Jean Echenoz arrive à nous présenter un loser magnifique, à nous entraîner dans des aventures dont la plupart se passent à Paris notamment, hein, parce que Jean Echenoz est aussi un grand amoureux de Paris et je pense qu'il aurait adoré, s'il n'a pas fait, en tout cas je vous conseille d'écouter cette émission parce qu'effectivement on apprend plein de choses sur Paris. Mais non, je vais vous parler d'un autre livre, un livre qui m'a rendu tout aussi heureux et pétillant. C'est le livre qui s'appelle Harpo, d'un auteur qui s'appelle Fabio Viscogliosi, hein, d'origine italienne. C'est un auteur assez étonnant, puisque cet auteur est aussi auteur de bande dessinée, musicien, romancier. Ce livre est édité chez Actes Sud, encore eux, dans une magnifique collection qui s'appelle Un endroit où aller. Et là, le livre démarre. Nous sommes en décembre 1933. Harpo, Marx est au volant de sa Citroën qu'il vient d'acheter. Il descend dans le sud de la France après une tournée triomphale en Russie. Et là, l'accident, hein, les routes de l'époque n'étaient pas celles qui étaient aujourd'hui. Il fait des tonneaux, est éjecté, se tape la tête, perd connaissance, est récupéré par un paysan, se retrouve à l'hôpital et se réveille amnésique. Eh bien, on va suivre donc Harpo, perdu au milieu de la France, complètement amnésique, ne sachant plus qui il est, recueilli par des gens merveilleux. Hein, on est dans une France des années 30 que l'on fantasmerait tous, à l'image de ce Paris haussmannien du 19e, où le partage et l'amour est au rendez-vous. Harpo va être accueilli par comme des gens. Comme encore aujourd'hui, Georges Marc. Mais peut-être, hein, qui sait, peut-être, vous avez raison. Et donc, on va suivre les aventures d'Harpo, comme ça, ayant perdu sa mémoire. Retrouvé, évidemment, par un détective de Pinkerton, vous savez, cette société de détectives américaine, parce que la famille des Marx inquiète à envoyer un détective le retrouver, d'une manière assez étonnante. Et comme ça, Harpo va retrouver les siens et sa vie. Mais quel texte, quel bonheur de lecture. Et j'ai vraiment envie, dans cette première chronique de l'année, en tout cas pour moi, de partager ce bonheur de lecture que j'ai eu. Et j'espère l'avoir fait avec plaisir. Je crois que vous l'avez fait. En effet, très bonne année, Georges Marc. Merci beaucoup. Rendez-vous à la librairie de l'Atelier pour ceux qui habitent dans le 20e arrondissement de Paris. Du lundi au dimanche matin, vous pouvez également aller sur le site librest.com. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée comme chaque jour par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Marie-Claire Oumabadi. demain, c'est la suite de notre semaine consacrée au baron Haussmann. Jean-Michel Legnaud nous parlera de deux architectes importants durant le Second Empire, Gabriel Daviou et Charles Garnier. Puis je signale aussi la série consacrée à l'architecture de nos amis des chemins de la philosophie, que vous pouvez retrouver tous les jours à 10h et également en podcast.